Seigneur, merci parce que tu es bon. Nous bénissons ton amour. Ta bonté dépasse la bonté des hommes. Nous ne savons pas vraiment décrire ce qu'elle est. Même si nous utilisons le même terme. Tu es bon, Seigneur. Le jour, tu es bon. La nuit, tu es bon. Dans des moments difficiles, là où aucun être humain ne peut manifester sa bonté, ta bonté est là. Dans des moments difficiles, là où tous les hommes peuvent nous rejeter, nous condamner, ta bonté est là. Oh, en vertu de cette bonté, nous faisons comme cet enfant. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui pardonne. Je lui dirai ce que je suis. Nous nous levons ce soir pour venir vers toi, Jéhovah. Parce que tu nous accueilles et tu nous acceptes dans ta présence. Bénis ce moment. Bénis nos vies. Que ta grâce reste toujours avec nous. Je recommande cette parole entre tes mains. Je recommande l'Église entière entre tes mains. Et toutes les activités de l'Église. Manifeste-toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen et acclamer amen. Pour le Seigneur? Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce mercredi, c'est un jour de prière. C'est un jour d'enseignement plutôt. Je suis content de voir au milieu de nous l'ancien Bical qui est venu de Dilolo. Est-ce qu'il peut se lever? Nous voulons le saluer. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Moussé, que Dieu te bénisse. J'ai pris la résolution. Désormais, tous les enfants de l'église sous féconde, là où ils seront, ils commenceront les églises sous féconde. Je les proposerai, pasteur, je prierai pour eux. Et vraiment, je pensais à vous. Hier, j'ai fouillé dans mes documents. Je me suis rendu compte que j'ai une maison à Dilolo. Je vais vous donner les documents. Il y a juste des petits travaux à finaliser. Et là, vous commencez là une église. Et nous allons soutenir ça. Vous allez d'abord commencer là-bas. Le reste, on verra comment migrer. Mais d'abord, là, j'ai même mis ces papiers à côté. J'allais vous les envoyer, mais Dieu a fait grâce, vous êtes là. Cela est valable pour celui qui est à Kafankumba, à Kolwezi, à Lubumbashi. Désormais, sous féconde doit aller partout. Alléluia. C'est ça le principe. De façon, Dilolo est en train de devenir un très grand centre. Je suis dans le secteur minier, il y a beaucoup de projets. Tous les projets passeront par Dilolo. Kasumbalé, ça se sera de moins en moins. Et tout le corridor, comme on l'appelle, passera par là. Alors, on a intérêt à ce qu'on ait quand même une église à la sortie de la RDC. Alors, depuis un temps, nous enseignons sur ne te trompe pas d'adversaire. Et nous avons expliqué que beaucoup d'échecs dans nos vies sont dus au fait que nous nous trompons généralement d'adversaire. Malgré les prières, nous prions, mais nous nous battons contre un mauvais adversaire. Le vrai, il est à côté, il se frotte les mains. Et quand on est fatigué, il surgit. C'est pareil dans des familles, dans des églises, dans la vie et partout. Nous oublions que voici notre adversaire. Et cet adversaire a beaucoup de stratégies. Et il ne cesse de nous amener des problèmes. Le dimanche, nous avons parlé des quatre grands adversaires capables de bloquer notre destinée, notre héritage. Nous avons parlé que le premier adversaire voulait nous retourner en arrière. Le deuxième, il s'agissait des géants. Le troisième, il s'agissait de puissants. Et le quatrième grand adversaire, c'était le péché. C'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui essayer de développer ces choses. Je vais les prendre un à un. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour entrer dans la semaine délicatie Tador. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de cet ennemi qui veut nous retourner dans des anciennes situations dans notre vie. Nous avons parlé, un exemple le dimanche, j'ai donné deux exemples de David et de Joseph. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, on peut nous mettre ça, ça on en a parlé le dimanche. On nous dit que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé écouter ce qu'il dit, ce peu de brebis dans le désert? Comme pour lui, tu dois rentrer au désert, ce peu de brebis là, c'est ça notre richesse de la famille. Toi, tu ne dois pas être ici. Tu dois rentrer là. C'est ce que son frère aîné a dit. Et j'ouvre une parenthèse. Vous dites qu'il y a aussi un mystère dans la famille. Entre les aînés et les cadets. Généralement, quand les deux s'unissent, la famille va de l'avant. Mais quand les deux ont tendance à s'éloigner, les grâces sont dispersées dans la famille. Eliab va dire à David, tu dois rentrer dans le désert. Alors que David avait mandat de sauver la famille. D'ailleurs, quand Samuel est venu consacrer, le premier à être présenté, c'était Eliab. Mais Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas lui. Vous regardez à la taille, vous regardez à la carrure, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Alléluia. Parfois, les gens qui ont la taille, qui ont la carrure, ont tendance à décider, même dans les églises, même dans nos familles, même dans ce pays, alors que Dieu prépare quelqu'un d'autre en secret. Généralement, la préparation de Dieu, on ne la connaît pas. Parce que si on connaissait la préparation de Dieu, on risque d'étouffer la poule dans l'œuf. C'est comme ça que ça se passe en secret. Les grossesses se passent en secret. Les naissances se passent en secret. Quand on a dit à Hérode, un roi est né. Hérode s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis ici. Un roi aîné, moi je ne suis pas au courant. Effectivement, le roi aîné, sans que Hérode soit au courant, je dis à quelqu'un, reste dans le secret avec Dieu. Reste dans le secret avec Dieu. Il prépare de grandes choses. En son temps, tu surprendras le monde. Alléluia. On a donné le deuxième exemple. Je récapitule ce que j'ai dit dimanche. Genèse 37, 29, je pense. 29, si je ne me trompe pas. 37, 29. 37, 29. Dans Genèse 37, 29, Ruben, c'est encore l'aîné. Il revient à la citerne. Et il trouve Joseph qui n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Verset 30. Il retourna vers ses frères. L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Ayant tué, ils plongèrent la tunique dans le sang. Rentre un peu au verset 28. Toujours dans Genèse 37. Verset 28, un instant. Non, verset 22. Mettez le verset 22. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Écoutez la dernière phrase. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Quand vous lisez, à un moment donné, vous allez croire que non, Ruben avait un bon cœur. Oui, il avait un bon cœur, mais il n'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de laisser Joseph être vendu. Mais lui, Ruben, voulait prendre Joseph et le retourner chez son père. S'il avait retourné chez son père, on ne l'aurait pas vendu. Et si on n'avait pas vendu Joseph, lors de la famine, sa famille allait mourir. Joseph ne serait pas devenu premier ministre. Donc le plan de Dieu, c'était que Joseph soit vendu pour devenir un jour premier ministre. Parfois le plan de Dieu passe par des souffrances. Parfois le plan de Dieu passe par des problèmes. Mais l'ennemi va s'arranger pour te prendre et te retourner dans l'ancienne vie. Parce qu'aujourd'hui tu connais des problèmes. Non, bien-aimé, Bouluma, ce n'est pas le plan de Dieu. Laisse Dieu accomplir son plan. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais revenir sur ça pour parler de cet ennemi, de la stratégie de cet ennemi qui veut nous retourner en arrière. Nous allons prier et dire à Dieu, je ne veux plus rentrer en arrière dans l'ancienne vie, dans les anciens problèmes, dans les anciennes situations. Je ne veux plus rentrer, même si à mes yeux ça paraissait bien. Parce que la Bible dit, mon serviteur montera Il montera plus haut. Frères et sœurs, tu es appelé à monter. Tu es appelé à prospérer. Donc voici ce que l'ennemi veut. Nous voulons comprendre aujourd'hui des principes. Je vais essayer d'enseigner des principes. Quelle arme l'ennemi va utiliser pour te retourner? Comment vaincre et détruire ces armes-là? Nous en avons tout beaucoup de gens. Vous allez voir beaucoup de gens. Mais nous devons prier pour pérenniser les bénédictions de Dieu dans notre vie. Pas aujourd'hui, j'ai fait un pas. Demain, on me voit, j'ai fait 4 pas en arrière. Les gens commencent à se demander. C'est bien lui. Non, bien-aimé. Tu dois prier. Tu as une maison. Ne te retrouve pas demain. Sans maison. Tu as un mariage. Ne te retrouve pas demain divorcé. Tu as un ministère. Ne te retrouve pas demain sur la rue. Tu as des affaires. Ne te retrouve pas demain mendiant. C'est bien de prier. Mais je pense que le temps est arrivé. Nous devons enseigner des principes. Bien-aimé, la vie, c'est des principes. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'as pas appris à opérer quelqu'un, tu n'opéreras jamais quelqu'un malgré la prière. Les principes changent notre pensée. Notre pensée change notre être. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme, il est ce qu'il mange. N'est-ce pas? Amen. Un homme est ce qu'il mange. Si tu manges la parole de Dieu, tu seras comme la parole de Dieu. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, malgré les prières, tu ne seras pas ce que la parole de Dieu. Un homme, il est ce qu'il mange. Ça, c'est un principe, je crois, d'anatomie ou de biologie. Si tu manges bien, tu seras bien. Si tu manges mal, tu seras mal. Un homme, il sait ce qu'il mange, tu auras des problèmes dus à Niam. N'est-ce pas? Qu'il a chikou bouille, tu auras des problèmes. Quand un homme mange bien, vous allez voir même son visage. Ça dépend de ton akouriak. Nos visages, en tout cas, dépend de ce que nous mangeons. Si vous m'avez dit, vous avez dit que vous avez dit. Un homme, il est ce qu'il mange. Je vous dis la vérité. J'avais appris, je pense que ça doit être ça. Quand vous avez des poules pondeuses, vous voulez qu'elles pondent beaucoup d'œufs, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc finalement, mayai, ça vient de ce qu'on mange. Mayai maisha yako. Donc, les œufs dans ta vie viendront des aliments que tu vas consommer. Et si vous consommez la parole de Dieu, dans ta vie, il y aura des œufs. Et si tu ne consommes pas la parole de Dieu, dans ta vie, il n'y aura pas des œufs. Voilà pourquoi Jésus a enseigné. Quand je cause avec mes amis comme ça, en dehors de la chair, je leur dis toujours, vous avez entendu Jésus faire des miracles à Pierre, à Jean, à Barthélemy, à Matthieu. À ses proches, à ses apôtres, Jésus enseignait. Donc, aimons l'enseignement. Mercredi, ça devait être un jour où tout le monde est là pour suivre les enseignements. Quand on dit on programme la prière, les gens sont là. Nous aimons tellement la prière. Et puis quand on prie, on a ombre, on a ombre, pas comme mungu yo yo yo, mungu yo yo yo. Dès qu'il prie, quand il entend la prière, là, il fait que c'est la mante. Quand on arrive à ça, il suppose qu'on a ombre bien. C'est la mante beaucoup là, il suppose qu'il a bien prié. Non, non. Mais nous voulons enseigner parce que cette parole va vous changer. Alors nous voulons donner des principes. Arme numéro 1 que l'ennemi utilise pour nous retourner en arrière. Exode chapitre 14 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Je vais lire le verset 10 et le verset 13 à 14. Exode chapitre 14 verset 5 à 7, 10, 13 à 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur du pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait? Suivez très bien. Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Alléluia. Amen. Donc, l'ennemi veut te retourner en arrière parce qu'il a besoin de certains de tes services qui lui manquent. Tu deviens chrétien. Il veut te retourner parce qu'il a besoin des services que tu faisais dans les boîtes de nuit. Il a besoin des services que tu faisais en tant que féticheur. Il a besoin des services que tu lui rendais. Pharaon dit non, non. Ces gens sont partis. Qui va travailler pour nous? Qui va faire des briques? Qui va recueillir l'herbe? Nous devons aller les prendre et les retourner en Égypte. Plusieurs personnes aujourd'hui, les combats qu'ils ont, c'est le combat pour les retourner sous l'esclavage de Pharaon pour faire les services qu'il faisait avant. Bien, mais si tu deviens enfant de Dieu, c'est une perte dans le camp de l'ennemi. C'est un gain dans le camp de Dieu. Pharaon s'est dit non. Allons les prendre. Ils doivent rentrer pour continuer les services qu'ils faisaient. Le verset 6. Et Pharaon attela son char. Donc la guerre commence parce qu'ils sont seulement partis. Pharaon prend le char. Il prit son peuple avec lui. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite. Donc il y avait 600 chars et sur chaque char il y avait des combattants particuliers. À un moment, tu te demandes, il vit à Yote, il n'a plus ta bouing, ni Juyani. À un moment, tu te demandes, en tout cas, il y a beaucoup de combats dans ma vie, pourquoi? Tu dois rentrer. C'est ça le travail de l'ennemi. Tous les chars de l'ennemi, imaginez-vous. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les États-Unis dépassent l'Égypte. Il prend tous les chars du pays. Il y avait sur tous les combattants. L'Égypte à l'époque c'est la première puissance mondiale. Regardez la chute. Parce qu'il a voulu combattre les enfants de Dieu. Je déclare ce soir, tout celui qui voudra te combattre dans la vie, ça sera sa chute pour toujours, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Verset 13. Donc, mettez d'abord le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, tous les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, trois principes. Pourquoi l'ennemi veut te faire rentrer? Ce qu'on a vu au verset 5. C'est pour avoir tes services, pour le servir. Pour le servir. Aujourd'hui, tu dois combattre. Pour ne plus rentrer en arrière. Oh, bien-aimé. Tu dois combattre pour ne plus rentrer en arrière pour servir l'ennemi. Comment ça s'est passé? Verset 10. Ils ont levé les yeux derrière. La Bible dit, ils levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en masse derrière eux. Une des choses qui nous fait reculer dans la vie, c'est lever les yeux derrière. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui met à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils regardent en arrière. Quand tu regardes, tu vois la quantité de problèmes. Le passé, bien-aimé, pèse. Mais ce n'est pas à moi de prendre ce fardeau. Il y a eu des erreurs, oui. Mais avance aujourd'hui. Laisse Dieu prendre ce fardeau. Ils ont levé les yeux. Les Égyptiens étaient nombreux, ils venaient. Avec comme objectif les retourner en Égypte. Alors ils ont commencé à pleurer. Quelle est la solution de Dieu? C'est ce qu'on a lu au verset 13. C'est la délivrance. Dieu va nous accorder la délivrance. Pourquoi délivrance? Parce qu'il faudrait que tous ceux qui nous attaquent pour nous retourner en arrière puissent être engloutis. Ce soir, nous prierons que Dieu nous délivre de tous ceux qui nous attaquent pour retourner nos vies en arrière, pour retourner nos mariages en arrière, pour retourner nos business en arrière, pour retourner l'église en arrière. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu est vivant. Moïse dit, regardez la délivrance que votre Dieu va vous accorder. Ce soir, nous allons prier. Dieu va nous délivrer. Je ne sais pas dans ta maison, qu'est-ce qui t'attire encore en arrière. Je ne sais pas dans tes affaires, dans ta vie. Bien aimé, il y a même des familles où les enfants sont toujours tirés en arrière. Quand on a dit que je suis à l'eau, pas qu'à mon côté comme moi. Non, ce soir, nous avons compris la stratégie du diable. Il utilise beaucoup cette arme pour nous retourner en arrière. Pourquoi? Pour le servir. Alors que Dieu nous a appelés à servir l'Éternel, nous refusons cela au nom de Jésus. Deuxième arme. Nombres chapitre 14, versets 4 à 5. On va y aller. Maintenant, nous avons des chronos, il faut respecter l'heure. Nombres 14, 4 à 5. Et ils se dirent l'un à l'autre. Regardez. Nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Ils ont dit, Mounalabi Shabioté. C'est-à-dire que vous avez tout gâché. Pourquoi? Il s'agit des 12 espions qu'on a envoyés à Canaan. Quand ils reviennent, ils font un rapport. Ils disent que ce pays il est intéressant. Notre destinée est meilleure. Il y a le lait, il y a le miel. Mais on a vu des géants. Ils vont nous manger comme on mange les sauterelles. Si on ne nous mange pas, le pays lui-même va nous manger. Les gens regardent Moïse, ils se regardent eux. Ils disent, non, non, on arrête ici. Nommons un chef. Retournons en arrière. Pourquoi? À cause du rapport qu'ils ont entendu. Beaucoup de gens retournent en arrière dans leur vie. À cause des oreilles. Retourne en arrière à cause des rapports. Il y a des mariages brisés à cause des rapports. Il y a des gens qui ont abandonné les ministères à cause des rapports. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause des rapports. L'ennemi va s'arranger. Chaque fois à côté de toi, il t'amènera quelqu'un pour te donner un mauvais rapport. Oh frères et sœurs, ce soir, je prie, quel que soit le rapport, avance, avance, avance dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avancer malgré le mauvais rapport? Les mauvais rapports, on les aura toujours. Et les mauvais rapports, on dirait que tu es dans le jour. Tu as déjà pris la décision, Yakwenda, Fasifulani, Kuomba, et c'est le jour où les mauvais rapports tombent. Caleb et Josué s'élèvent. Ils disent non, ne rentrons pas en Égypte. Continuons. Si l'Éternel nous est favorable, nous prendrons ce pays. Pourquoi? Et Dieu, ce jour-là, il s'efface. Il dit, je vais tuer tout le monde. Personne ne va entrer dans cet héritage. Parce que l'héritage s'obtient par la foi. La foi est contraire à ce que nous voyons. Frères et sœurs, si tu ne peux avancer que par rapport à ce que tu vois, Dieu ne te le donnera pas. La solution, c'est la foi. Tu dis, parce que mes serviteurs Josué et Caleb seuls, ce sont les deux qui vont posséder le pays. Tous vont rester dans le désert. Il disait, nommons un chef et rentrons en Égypte. Ils ne vont pas hériter de l'héritage. Ils ne vont pas hériter de la promesse, de leur destinée. Oh, frères et sœurs, une arme que le diable utilise, c'est le rapport pendant notre marche. Alléluia. Troisième arme. J'ai encore 5 minutes, termine dans les 5 minutes. On va revenir sur certains points vendredi. Genèse chapitre 19, versets 17 et 26. Genèse 19, 17 et 26. Troisième arme. Genèse 19, 17 et verset 26. Après les avoir fait sortir l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Ok, pourquoi elle a regardé en arrière? Bien-aimé, chaque fois que tu dois regarder en arrière, pour des motifs qui ne sont pas corrects, tu ne vas pas avancer. Tu deviendras une statue. Une statue. Elle avait du mal à se détacher des souvenirs de Sodome et Gomorre. Parfois dans la vie, nous devons prendre des décisions de nous débarrasser des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. Je voulais donner un exemple. Ok, je suis pasteur. Est-ce que je peux dire ce que je voulais dire? Est-ce que vous permettez que je dise ça? Que Dieu vous bénisse. Évitez de rencontrer les ex. Je crois que j'ai bien dit. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Tout le monde a compris. Hein? Frères et sœurs. Les rencontres avec les ex tu seras une statue de sel. Mes jeunes gens, Ali, David, les choristes, les mamans, même les mamans, les ex, enfin, les papas, Les, c'est comme ça qu'on, j'ai bien parlé, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, c'est comme ça. Les ex. Ces choses amènent des problèmes. La femme de Lot. Oui, Loti. Tu es où Wendy. Et on leur a bien dit, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière, de peur de périr. Je croisais beaucoup de gens qui ont eu des problèmes à cause des ex. Des ex. Heureusement que dans l'église, nous sommes délivrés de nos ex. Amen. Aïna, ça n'a pas eu de l'âge. Frère, attends-moi au secondaire. Même au niveau du secondaire. Attends-moi à l'université. Même si tu es au niveau de l'université. D'abord, il ne va pas t'appeler. Non, pasteur, non. Désiré. N'y pas qu'à Jure-toi, Désiré. Évitons ça. Pour que il est. C'est comme ça, parfois, bien grandir, protéger les enfants, c'est bien. Ils se marient sans qu'il y ait des ex. Ils se marient. Nous étions à l'internat dans des couvents, parmi les prêtres, parmi les sœurs. Même les religieux. Les ex posent problème. Et l'ennemi sait que c'est un problème. Ah, que notre Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les mauvais souvenirs posent problème. Quatrième arme, on va terminer par là. Jean 21, 3 à 5. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Écoutez un peu la question de Jésus. Jésus ne leur a pas dit, n'avez-vous pas péché? N'avez-vous rien eu? Je trouve dans ma Bible. Écoutez la question de Jésus. Enfant, n'avez-vous rien à manger? À manger, c'est où? C'est où? C'est à la maison. Jésus n'a pas dit ce jour-là. C'est dans Luc 5 où Jésus a dit, vous n'avez pas péché. Mais ici, Jésus leur a dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? À manger, c'est où? C'est à la maison. Écoutez la réponse. Il répondit quoi? Non. Donc, on manie et tout? Même à nos maisons. Afani. Il n'y a rien. Un problème Mambo qui nous fait retourner en arrière, c'est le manque. Beaucoup de gens, quand ils manquent, ils veulent aller rentrer en arrière pour chercher pas le poisson, parce qu'avant t'as pas consommé le poisson. Pour preuve, quand ils sont venus avec les poissons, Jésus avait déjà Jésus avait déjà arrangé ou apprêté ce qu'il devrait consommer. Il avait déjà apprêté pour eux. Donc, il avait déjà tout bien arrangé. Comment on dit? Il a bien arrangé les poissons. Beaucoup de gens, jeunes sœurs, les mamans, ça concerne surtout les mamans. Manquer quelque chose. Kuna rusha ba mingi kumukongo. Ça fait rentrer plusieurs derrière. Le manque. Kukosewa. Kukosewa. Le manque. Le besoin. Itaj. Voilà. Nous faut aussi retourner en arrière. Besoin de la richesse. Besoin de la gloire. Besoin des vêtements. Besoin des apparences. Besoin de manger. Manger, c'est satisfaire le ventre. Nyongo yalibum. Nyongo yakolata. Nyongo yakabelo. Nyongo ya make-up. Nyongo de voiture. Nyongo de la gloire. Ça nous fait retourner en arrière. C'est une arme de l'ennemi pour nous empêcher d'aller vers la gloire. Parfois, le chemin de ta gloire passe par la souffrance. Le chemin de Joseph devait passer dans la citerne. Le chemin de David devait passer devant Goliath. Le chemin d'Israël devait passer par la mer Rouge. Les raccourcis raccourcissent nos bénédictions. C'est important de comprendre ces choses et de prendre des décisions. Chaque chose ce soir, retourner derrière dans ta vie, j'ai cité quatre choses. La première des choses, Pharaon est venu avec son armée pour prendre Israël et le retourner en Égypte. Ils ont levé les yeux derrière. Qu'est-ce que tu regardes derrière toi? Il y a pire. Deuxième chose. Ils arrivent dans le désert. On leur donne un mauvais rapport du chemin. Kule ku Dubaï. Ushitume bibi ku Dar es Salaam. Tu ne peux même pas envoyer ta femme à Dar es Salaam. À tout end. Là, nous ne nous y irons pas. Tu nommes un chef. Nous allons nommer un chef. Tu nous dis. Et rentrons chez nous. Ok, s'il y a, il y a ce qui se passe là-bas, c'est valable pour tout le monde. Il voulait rentrer en arrière. Non, mais Joseph et Caleb, Josué et Caleb ont dit non. Par la foi, nous nous allons partir. Le chemin de la vie, c'est par la foi. Le juste vivra par la foi. Il n'y a rien que nous pouvons obtenir sans la foi. Parfois, ça va devenir difficile où tu regardes, tous les indicateurs montrent que c'est impossible. Tu demandes comment cela peut arriver. Tu dis, si l'Éternel nous est favorable, nous entrerons à Cana. Troisième chose, la femme de Lot voulait regarder les souvenirs passés. J'ai ouvert une petite parenthèse. C'est valable pour nous tous. J'ai donné un conseil. Samouzazi, évitez de croiser les ex. Il vient comme ça, va comme ça. Elle vient comme ça. Il faut l'éviter. Je vous dis, parce qu'on n'a pas Kirio. Même au deuil. Mouta Sumburia. Attends, vous ne pouvez pas faire ça. Il viendra causer rien qu'avec toi. Attends, vous ne pouvez pas faire ça. Il va te faire retourner en arrière. Je le dis. Je sais ce que je suis en train de dire. Quatrièmement, on voit Pierre. On a Petro. Kukosa chakula kunyumba. Le manque de quoi manger dans la maison. Anarudia kubile biake bia zamani. Il est rentré encore à ses anciennes activités. Imaginez-vous Pierre. On est quoi Kuba Petro. Il représente la colonne de l'Église. Yenjo nguzo ya kanisa. Aujourd'hui, tous les papes s'identifient à Pierre. Mais on a l'opponent sans manquer pas sans avoir les habits. Vous vous représentez un peu. Et quand on lui dit c'est Jésus, même lui-même a honte. Il se jette dans l'eau. Ça signifie qu'il savait que ce n'était pas correct, non? Pourquoi il n'est pas venu? Ah, Yesu, Yesu, Yesu. Il savait que ce n'était pas correct. À cause du manque. Il a commencé à faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais la solution, c'est laquelle? Quand le Saint-Esprit est venu, Jésus n'était plus là. On n'a jamais entendu Pierre Canarudia. On n'a jamais entendu Pierre qu'il est rentré encore en arrière. Même quand il n'avait pas d'argent. Longtemps on a lu ce verset-là, ce chapitre, Actes chapitre 3. On a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Non, il n'avait rien. Mais il continuait à aller au temple. Il n'allait plus à la rivière. Il est allé au temple. Il est allé au temple. Il lui a amené à manger. Il est allé à un jour, il avait... Il a dit qu'il mange même les... Vous connaissez cette histoire? Donc, toujours dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, avec Corneille. Il avait très faim. Il monte sur le toit pour prier. Et sur le toit, on lui dit, est-ce que tu peux manger ça? Il dit, non, je ne mange pas. Donc, malgré la famine, il était discipliné maintenant. Il dit, non, Seigneur, je ne mange rien d'impur. Et pendant qu'il réfléchissait, on lui dit, non, on te cherche chez Corneille. C'est comme ça qu'il est parti chez Corneille. Je suis dans Actes chapitre 10. Et c'est comme ça qu'il a parlé, il parlait seulement et Corneille était rempli du Saint-Esprit. Il n'a plus pensé qu'on a l'opulence sa main qui a couru. Donc Pierre a changé. Pourquoi? Depuis la Pentecôte, le chemin de Pierre a changé. Donc depuis le Saint-Esprit, notre chemin devra changer. Nous voulons prier. Donc aujourd'hui, je voulais enseigner que nous puissions comprendre certaines choses. Et vendredi, nous allons maintenant prier pour chacun de nous. Comme il est temps presque. Bien-aimé, j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Tu dis, Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir de tous les quatre stratégies du diable. Fais-moi sortir. C'est important pour que je ne rentre pas en arrière. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Que Dieu te fasse sortir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous sortir. Nous avons longtemps regardé Pharaon avec son armée et nous voulons rentrer en arrière. Fais-nous sortir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur. Fais-nous sortir. Fais-nous sortir de ces ruses de l'ennemi. Seigneur, nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous ne voulons pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Je te prie, Seigneur, fais-nous sortir au nom de Jésus, à cause de nos besoins, à cause de nos manques, Seigneur. Nous ne voulons pas rentrer en arrière. Fais-nous sortir, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à cause des mauvais rapports que nous recevons dans nos vies. Nous refusons de rentrer en arrière. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu nous aimes en nous donnant toutes ces stratégies et des solutions pour chacune d'elles. Nous nous recommandons à ta grâce. Bénis l'Église. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vendredi, nous allons...